Bon, je sens. Les flous bas. Gérard. Je sens que tout à l'heure, ça va se terminer, que je vais virer tout le monde. Gérard, pour calmer le débat, il y a Yankee qui demande si c'est vrai que tu es éleveur de truies à domicile. Non. Alors là, je ne réponds même pas à sa question, j'y réponds non tout de suite. Papidone. Papidone. Petit pain d'homme comme le chamallow. Ouais, des emplois à domicile, moi aussi, je fais le ménage chez moi. Regarder la télé, c'est un emploi à domicile, ça je pense. Mm-hmm. Parce que tu donnes de l'argent aux chaînes de télé. Tu fais de l'audimat, donc qui dit audimat dit argent. Redevance. C'est un emploi à domicile, ouais, voilà, dit redevance, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, pour l'instant, je pense que vous n'avez pas très bien compris la question. Ah. Celui qui s'amuse à faire le cheval arrête, parce que tout à l'heure, ça va éclater. Ouais. Toi, je te préviens, fais gaffe. Gérard, faut bien que tu précises, parce que quand tu parles d'à domicile, tu vois, ils font le rapprochement avec le Kosovo et les missiles tirés sur les Afghans. Non, pas de Kosovo. Emploi à domicile, ça ne veut pas dire... Attends, tu fermes ta gueule, Papidone. C'est pas moi. Bon, lui, vous me le calmez, oui, là, en antenne tout de suite. Justement, à la place de je sais plus qui que t'as dégagé comme un sauvage. Linda, ouais. Voilà, on accueille Baboon Ass. Babounas. En anglais. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. T'appelles d'où? Salut. T'appelles d'où? J'appelle de Suresnes. C'est faux. Non. C'est pas la peine. Alors là. C'est ta ville, c'est une ségrégation. Non, parce que j'aime pas qu'on donne les villes. Les noms de villes à l'antenne, nom de Dieu. Bonne nuit. Mais attends, Gérard, s'il habite sur Rennes, c'est comme Lille, Paris, Berlin, Brest. Il y a que deux habitants à sur Rennes. Voilà. Tu peux lui dire au revoir d'entrée. Mais pourquoi il habite. Attendez, non, ce qu'on va faire, on va te changer de ville, tu vas appeler de Courbevoie. Non. Allez, vous fermez vos gueules. Toi, tu es déjà, tu vas éteindre ton micro, tu vas me prendre des gens standards. Non, mais c'est ridicule. Tu fermes ta gueule. Ok. D'accord. Tiens, il y a encore Max Lebel sur Minitel, on est 23 connectés qui dit Max, Gérard, t'es le meilleur, surtout quand tu prends la place de Max. Faut que tu continues et que tu gardes les mecs qui appellent de Suresnes parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Ouais, moi je l'emmerde lui, d'accord. Et sinon, il y a Checkmat sur l'IRC, il a vu dans un magasin qu'on pouvait te louer à domicile. Bon, donc, alors lui, j'y réponds même pas, c'est même pas la peine. Petite épipe pour 200 balles. Au revoir. Au revoir. Bon, alors moi je sens que de toute manière ça va aller vite fait. Celle qui s'amuse à rigoler comme une poupia s'arrête. Bon. Alors je sens que le débat va être clos. Vite fait, bien fait. Allez, on continue là. Mais t'inquiète, le paillasson, direct. Tu viens là parce que ça devient impossible de travailler avec eux. Alors tu prends sa place et tu le vires. Attends, mais j'ai rien fait moi, Gérard. Attends, c'est pas de ma faute, ces auditeurs, ils sont pas calmes. Non, tu dégages. Hop. Au revoir. Ah non, je surveille. Au revoir. Je reste là. Bon, continue. Alors, deuxième question. Alors, comment est payé un employé de ménage à demi-debout ou autre? On va demander ça à Petite Borne. Comment est payé un homme de ménage? Attends, improvise. Bah, ne peux pas prendre ma gueule parce que tout à l'heure, je vais t'éclater ta gueule, toi. Ok? D'accord. Mais viens, gars. J'ai éternué et je voulais pas que ça s'entende à l'antenne. Et toi, tu crois que je me fous de ta gueule? Ah ouais. Bon, Gérard, pour te calmer un peu, il y a Tom York sur l'IRC. Il demande si les SDF peuvent avoir des emplois à domicile. Oui. C'est... Sous leur pont, on m'a dit. Bon, alors là, je réponds même pas. Hop, ouais. J'espère terminé. Que c'est pas le pont. Non, mais je réponds pas. Je réponds même pas à cette question-là. C'est pas de l'Allemagne. Ouais. Voilà. Merci Manu de bien préciser le pont d'Allemagne. Ouais. Donc... C'est Rigaud qui a dit ça. Non, c'est pas Rigaud, c'est Manu. Précise pas les ponts. Bon, toi, Papy Dom, tu as déjà prendre ton nom correctement. Tu t'appelles Tony, d'accord? N'importe quoi. Ouais, non, mais attention. Attention, quoi, on voit. Tony, regarde là. Allô. Bah, tu vois, j'ai pas la voiture. Ouais. Bon, ouais, celui-là, tu me le. Chut. Au revoir. Mais pourquoi? Au revoir! Oh, le standard, là, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai dégagé, hein. Il y a la clim qui déconne ou quoi? Il fait rien! Mais regarde, j'ai pas mon micro allumé! C'est la clim! J'allume, j'ai pas. Tu vois, regarde, j'ai même pas mon micro allumé, c'est pas moi! Ouais, tu éteins tout et tu la fermes. Bah voilà, regarde!

Donc, maintenant, savoir, est-ce qu'il y a des emplois qui sont... Est-ce qu'on trouve encore des emplois comme ça, ou qu'on peut être nourri, logé, blanchi? Ouais, si tu veux, moi, par exemple... Qui c'est toujours Bobo Nichon. Moi, les servantes, je les blanchis mieux que le jardinier, par exemple, parce que j'ai des préférences. Tu vois, il y a quand même un petit peu du favoritisme. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je suis nourri, logé, blanchi, baisé. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon, attends, toi, pour l'instant, tu vas te la fermer. Mais vous leur donnez de l'argent de poche quand même. Non, ils sortent pas. De toute façon, ils sont toujours à la maison en train de travailler. Attends. Bobo Nichon. Ouais. Par exemple, s'ils te demandent des cigarettes, est-ce que tu leur payes ou pas? Ouais, non, ça, je sais pas. Ils vont voir avec le jardinier. On a des plans de tabac au fond de la propriété. Non. Ouais, bah alors, ouais, on va dire oui, bien sûr. Tout à fait. Gérard? Il y a bien des petits plaisirs dans la vie quand même. Mm-hmm. Sur IRC, il y a Yankee qui te remercie de la part de Brigitte Bardot pour avoir sauvé Willy et lui avoir donné un foyer. C'est beau. N'importe quoi la question. C'était hors cœur. Qui c'est qui nous reste qui n'a pas répondu? Il reste Babounas. Ouais, bah vas-y. Donc, avant tout, je voudrais dire que c'est une question très pertinente et très intéressante. Et donc, moi, j'ai plusieurs femmes de ménage chez moi et plusieurs jardiniers, mais je préfère pas les payer à demi debout, mais plutôt au noir, ça revient moins cher. Oula. Non, mais de toute manière, moi, encore un mec de l'internet. Ah, hein. Ah non, mais. Direct, ça se reconnaît aux phrases directes. T'es plus drôle sur un écran. Mais trop de majuscules là dans tes phrases. Ouais, je peux la faire moins rapidement si pas de couleur, pas de couleur. Vas-y, fais péter. Donc je disais que moi, je préférais pas payer à demi debout, mais plutôt au noir. Rigo, qui que ça revenait moins cher. Kick-le, Rigo, banne-le. Bon, donc. Qui est toi? Donc la question de toute manière, je pense que on a fait à peu près tour. Le seul qui a pu répondre. Oh là, pas que des cristallines. Il y a une chourie. Bah, le chef, il va être gentil. Une étoile de ninja. Direct. Hop là. Je t'ai prévenu, Fildar. Shadow danseur. C'est pas l'album de Sardou. C'est le vieux truc. C'est pas l'album de chez Sardou. C'est Kilobi, voilà. Non, c'est Michel Thor qui chante Sardou. Oh la race. Non, c'est abusé là. C'est quand même les éditions Atlas. On peut pas travailler là. C'est dire si c'est bien. Alors, une infirmière peut-elle... Yes. Ça va chauffer. Gérard. Casse-toi. Ah, qu'on se poursuit dans le couloir. C'est un Gérard, ces débats, là. Ah, trop fort. C'est bon, ce soir. Gérard. Du mouvement. Ça peut être bon, c'est bon. Gérard. Moi, ton dard dans ma grosse salle, Gérard. Ça joue ça, hier. Oh, virez là, c'est là. En direct. Gérard, alors, reviens, Gérard. Le débat. Tu fermes ta gueule. Tu vas, oui. Tu fermes ta gueule. Si tu continues, on va peut-être descendre en dessous. Tu fermes ta gueule. Allez, faites le débat. Allez, ouais, bah ouais. Par contre, faites gaffe, il y a des jingles qui passent. Ouais. Ouais. C'est bizarre, bah ça, t'as intérêt de te méfier à ça. Il n'y a pas le micro, regarde. Ouais. Donc, alors, une infirmière. Bon, qui c'est qui s'amuse avec ce putain de remix, là? Je viens d'arriver, moi. Ouais, tu viens d'arriver, pauvre con. Du remix. Et là, vous allez arrêter avec cette histoire de jouissance, hein. Parce que ça commence à bien faire. Bon, allez, hop. Troisième question, un disque. Hop. Non, pas tout de suite. Si. Reprenons le débat dans le cadre. Non, un disque. Hop, dans terminé. Calme, hop, un disque. Vous allez réfléchir. Une infirmière peut-elle perdre son aiguille en faisant plusieurs piqûres. On se retrouve après. Donne-moi. Bon alors, le disque. Il arrive, Gérard. Allez, bouge t'arrêtes un peu. J'arrive, Gérard. T'arrives? Ah. Vas-y, termine-toi. Oh merde, j'ai bloqué la machine. Alors, c'est pizza, pine-moi, avec caresse-moi, entre les cuisses à domicile. Répète. Vas-y, encore. Encore. Alors, c'est pizza, pine-moi. Encore. Avec caresse-moi, l'entre-cuisse à domicile. Encore. Vas-y, encore attends, une fois. Le temps qu'il trouve le disque, faut que tu le répètes encore. Dis le plus lentement. Mais putain, mais... Faut pas faire de blanc, la radio. T'es payé à quoi faire, là? Faut pas faire de blanc. T'es payé à quoi faire, à te branler? Mais non, ça vient. Tu te démerdes. J'accule, là. Tu te démerdes. Ça vient, répète, c'est bon. Tu te démerdes. Ah, c'est bon. Tu le disque, tu l'envoies. Ah, c'est bon. Tu l'envoies. Ah, c'est bon. Tu l'envoies et c'est tout. Et maintenant, vous allez me faire du bon boulot, sinon je vous vire tous. Voilà. Y'en a qu'un qui bosse bien, c'est Rigo. La police, attends, tu déconnes ou pas? Ouais, y'en a encore. les trois quarts du temps, parce que quand je demande de changer les auditeurs, faudra peut-être non, le faire. Parce que là, pour l'instant, personne prend des gens standard. Si, j'ai pris des gens, Gérard. On est combien, Rigo? Je sais pas, on était 7047, ça a peut-être monté un peu. 8888, que des 8. Il y a 20 millions, j'ai eu le CSA, il y a 20 millions de téléspectateurs. Vas-y, bah quand tu veux, c'est bon, je peux envoyer le disque. Bah tu lui envoies, puis c'est tout, tu fermes ta gueule. Bah tu annonces le disque, hein, parce que moi j'ai pas de fiche. C'était Pizza Pine-moi avec Caresse-moi l'entrecuisse à domicile. Et donc, Rigo, tu m'as dit juste avant... On était 8888. Voilà. Donc, pour merci ça... Yoda, merci Seigneur. Ok, bah merci à tous ceux qui sont sur l'internet. Donc, j'espère que ça va continuer. Ouais. Au standard, ça va ça vous gêne pas si... Ça va, on se branle pas trop. Pour l'instant, ça va, ils sont bien. Bon. La question c'est, une infirmière peut-elle perdre son aiguille en faisant plusieurs piqûres? On va demander à Petite Borne. Alors c'est impossible. Tu peux préciser? Parce que les infirmières, elles mettent, dès qu'elles ont piqué, elles mettent leurs aiguilles dans une boîte et qu'elles ne peuvent pas ouvrir, en fait, c'est un truc spécial. Bon, attends, 5 minutes. Au standard, maintenant, hey, Apolline, dehors. Hop, dehors, tu j'ai dégages. J'ai rien fait, Gérard. Tu j'ai dégages. Rien fait, c'est Manu. Bon, non, vous, là, ça commence à bien faire. Arrêtez. Là, ça commence à bien faire. Non, sérieux, arrêtez, là, quand même. Hein? Ouais, tu retireras ce que t'as mis sous toi. Non. Attends, ouais. Répondre sérieusement aux questions. Ouais. Dans ta chatte. Eh, pour peut-être vous calmer, parce que ça commence à bien faire tous les jeudis, hein, maintenant. Ouais. Alors, Apolline, on t'a donné une chance, alors... Garde-la, hein. Parce que ça sera peut-être la dernière que t'auras d'ici jusqu'à nouvel ordre. Gérard, il y a une question sur le Minitel, on est encore 25 connectés. Bravo. De GG le cul rouge, qui demande en fait si en fait les travails à domicile, enfin le travail à domicile, ça rapporte plus que le travail dans une entreprise. Non, je pense pas. Pourquoi? Je pense pas, parce qu'un travail à domicile, de toute manière, tu fais moins que dans une entreprise. Hein. Dans une entreprise, tu travailles toute la journée, tandis qu'à domicile, tu travailles quoi? Tu travailles à peine 3 heures. Non, mais tu travailles toute la journée, mais tu vas chez les gens. Ouais, mais c'est pas évident. Tu peux très bien faire une personne et après, tu n'as plus rien derrière. Ah bon? Ouais. Ouais. Par contre, les infirmières, ça, c'est pas pareil. Elles ont plusieurs. Ouais! S'il vous plaît, merci! Les infirmières, c'est différent parce qu'elles ont plusieurs personnes, elles ont plusieurs trucs pour les piqûres. Donc, Petite Borne. Ouais, Gérard, donc je te disais, donc c'est pas possible. Et en plus, à chaque piqûre, elles sont obligées de changer de seringue. Mm-hmm. D'accord. Bobo Nichon, là. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Elle dit que c'est pas possible. Moi, je dis que c'est faisable. Non. Parce que si, moi, une fois, j'ai vu une infirmière parce que j'avais une grande tante très âgée. Et l'infirmière, elle a piqué dans une veine, elle a piqué dans une varice, et la varice, elle a chopé l'aiguille, et on n'a jamais pu retrouver l'aiguille. Non, mais bah alors là, pour l'instant... pour l'instant, c'est du baratin, ce que tu es en train de me dire. C'est du baratin, parce que... Moi, je vais te dire une chose... Non, mais attends, pour l'instant, moi, je vais te dire une chose, que c'est du baratin, ce que tu me dis. Pourquoi? C'est du pipeau. Donc, alors, arrête tes conneries. Arrête! Mais attends, tu vas pas me dire que la personne, au lieu de prendre la veine, elle prend une varice. Non, mais attends. La première, elle est diplômée d'État déjà pour commencer. Les gens ont droit à l'erreur, hein. Tout le monde peut. Non. Il a raison, Gérard. Je confirme, ça peut arriver, c'est rare, mais Stop. Oui, Gérard, sur Minitel, encore une question intéressante de Maverick qui demande si les prostituées peuvent être considérées comme du travail à domicile. Non. Ah, j'avais la même. Ouais, je voulais en parler aussi. Pareil, non. Non, mais j'en ai plein d'autres. Et pourquoi on peut pas dire que c'est du travail d'homme? Ouais, pourquoi? Non, parce qu'ils travaillent sur. Ils vont pas à domicile. Mais si, ils vont chez les gens des fois. Enfin, ils vont chez les personnes ou dans leur voiture. Déjà, leur voiture, c'est un peu leur domicile. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, mais c'est pas évident. Bah, c'est-à-dire. T'as mettre de la lumière, tu vois. Exprès pour ça, ils ont des camionnettes et ça leur sert. Bah oui, en plus. Mais ils dorment pas dedans. Ils ont quand même un logement. Bah ils couchent dedans. Ouais, ils couchent, voilà. Ouais, mais ça, c'est leur boulot. Donc, c'est bien du travail à domicile. Ouais. Babounas. La question est très mal formulée, Gérard. C'est plutôt vrai. En bifoque, mais bon, je pense qu'elles n'ont plutôt pas le droit parce que ça doit être interdit dans le règlement, je pense. Tu peux préciser? Bah, elles doivent pouvoir se faire virer si elles le font parce que justement, c'est plutôt en bifoque. Mais attends, t'as compris la question ou pas? Bah, je pense, mais elle était très mal formulée, Gérard. Hein. Bon, ok. Qui c'est qui nous reste? Ouais, c'est Balayette. C'est Baboon Ass. Non, Balayette, c'est Balayette, là. Bon, pour répondre à la question, je dirais que les aiguilles sont stérilisées, donc c'est une seule aiguille par veine. Et ça, c'est contrôlé parce que sont diplômés d'État. Ouais. Bon, alors, Balayette, au revoir. Pourquoi? Comme ça, tu te foutras pas de ma gueule. Non, mais au revoir. Non. Tu t'as pas la sens en train de te foutre de ma gueule. Alors, au revoir. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Voilà, bonne nuit, au revoir. Alors, donc, pour répondre à la question, alors, une infirmière peut-elle perdre son aiguille en faisant plusieurs piqûres? Déjà, pour commencer, je pense pas, à mon avis. Non, parce que c'est vrai que si une infirmière perd toutes ses aiguilles, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire comme piqûre? Après, elle a plus rien. Gérard, excuse-moi, sur Média, on demande si il y a des infirmières à la loco. Alors là, toi, tu fermes ta gueule avec la loco. Point final non, à la c'était ligne. Yoda. Hein. Ouais, bah Yoda, tu lui dis. Je lui dis quoi? C'est quoi? C'est un mec, une nana? Bah, je sais pas, je vois pas son slip. Hein, là, ouais, ben bah, alors elle ou lui. Ferme sa gueule avec la loco, je veux plus en entendre parler. Alors si tu me ressors des conneries comme ça, tu sais ce que tu te prends dans Gérard, la tranche. Gérard, sur IRC, il y a Bretzel, il voulait savoir si c'était toi qui l'a appelé parce qu'il est ramoneur et il a eu un appel d'un Gérard qui avait besoin de se faire ramener le gros fion à domicile. C'est toi? Alors ça, j'y réponds même pas non plus. Gérard, il y a Luc qui cule aussi sur Minitech qui dit Gérard, quand tu fais de la vente à domicile, c'est toi qui suces ou c'est l'inverse? Bon alors, toi tu ferais mieux d'aller sucer ton copain là que t'as laissé à 3. Ok. Oh, allez, hop. Bravo Gérard, bravo. GG, à la place partie de killer. À la place de Balayetch, on accueille ce domicile, 23 ans d'Orléans. Bonsoir. Bonsoir. Ma fréquence peut-être. Oui. 92.8. Ok. C'est impressionnant, ce domicile, putain. Alors, donc, pour toi, la question. J'y réponds, tu vois, moi je suis sérieuse, hein. Même en rantaine j'écoutais la question. Bon, alors oui, donc les infirmières c'est impossible, hein. À moins, alors si l'aiguille est bien collée à la seringue, l'aiguille ne se perd pas, et si elle n'est pas collée, elle peut... Merci. Bravo. Allô. Oui. Qui c'est qui a... Merci Pildar. Non, ils sont là les autres, moi je peux pas couper un auditeur là, hein. Seulement. Hein. Ça commence à bien faire vos histoires là. Allô. Hein, parce que c'est tous les jeudis que vous allez me foutre le bordel. Vous allez. Non, mais vous allez continuer jusqu'à quoi à me foutre la merde dans tous mes débats? Hein, Pildar? C'est une bonne question, mais moi j'ai rien fait. Non, mais jusqu'à quand tu vas me foutre la merde? Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu sois plus dans l'équipe? Peut-être. Ouais, ben là je crois que je vais peut-être arrêter les débats, moi, bientôt. Oh non. Ok. Non. Nous, on sera toujours dans l'équipe, nous. Ouais, ben tu prends tes débats. Tu prends des débats, espèce de petit con. T'es même pas capable. T'es un incapable, t'es même pas capable d'épauler Max quand il a besoin de toi. Alors, viens pas dire que tu seras capable de perdre des débats. Hein? J'ai jamais dit pour ça. Pour l'instant, il y en a qu'un qui sera capable, c'est mon pote Rigo, et c'est tout. Toi, t'es bon à rien. 9-4 en fort. Toi, t'es un bon à rien. De manière, t'es bon, tu sais à quoi faire. Aller voir dans ta ville de merde s'il n'y a pas des vaches. T'es bon qu'à aller voir ça. Alors, je serais toi, j'y retournerai tous les week-ends et je ne ferai pas chier l'équipe. Paros. Ni le jeudi. Paros. Alors, être employé de service, peut-on considérer que c'est un emploi? Gérard, sur Minitel, on dit que Rigo suce GG. Oh là là. Bon, toi, tu fermes ta gueule avec tes conneries parce que maintenant, le Minitel, tu me l'éteins. D'accord. Hop. C'est Rigo, plus la peine d'appeler toi, sur Rigo. Le Minitel. Ouais, c'est vrai. Rigo, dis quelque chose, défends-toi, merde. Vas-y, Rigo, dément ce qui... Dément, dis que tu le suces pas, quand même. Ah, c'est clair. C'est le contraire. Vas-y, pas annoncement. C'est clair que c'est faux. Ah, c'est et sinon, qu'est-ce qui se passe sur l'IRC? Attends, parce que j'étais déconcentré par ces conneries. Il y a Checkmat qui demande si c'est vrai qu'une fois, Gérard, t'étais bourré et t'as dû rentrer en taxi, et le lendemain... Non, c'est plus le thème, c'est plus le débat des taxis. Ah pardon. Alors en fait, on me demande si ça existe les chauffeurs de poids lourds à domicile, parce que toi, t'es baiser de poids lourds à domicile. Non, pas du tout. Alors là, je réponds même pas. C'est ça ton pote, c'est ça un pote pour toi? Je réponds pas à cette question-là, mais de toute manière, il fait mieux le boulot que toi, d'accord? Alors toi, tu la fermes. Bah, bravo l'amitié. Toi, tu la fermes. T'éteins ton micro, tu la fermes, ok? Bon Gérard, par contre, c'est la dernière fois que je te le dis. Je suis obligé de rallumer le Minitel parce qu'il y a Max le Belge qui est en train de pleurer. Ah bah c'est pas grave, il a qu'à rester sur l'IRC. Bon, oui. Gérard, à la place de Babounas, on accueille Monsieur Toddy, 27 ans d'Angoulême. Bonsoir. Monsieur Toddy. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Fréquence, s'il te plaît. 90.2. 90.2. Ah, tu peux alors, il n'y a pas une blague. Donc, alors êtes-vous employé de service? Être employé de service, peut-on considérer que c'est un emploi à domicile? Tu peux répondre, Toddy. Ouais, mais moi j'aurais préféré répondre sur l'autre avant, mais bon, non, tu réponds à celle-là maintenant. Être employé de service à la maison. Alors, être employé de service, peut-on considérer que c'est un emploi à domicile? Oui. C'est quoi un employé de service? Je sais pas. Un employé de service, c'est quelqu'un qui va faire les courses. Ah, d'accord. Tony Micheli. Alors, moi, je loue chez une bonne femme, une grosse, là. Il faut toujours que j'aille lui faire ses courses et que j'aille lui promener son chien Snoopy. Et sinon, oui. C'est de rigueur. Okay. Non, mais pour l'instant, t'es pas en train. Pour l'instant, il y a que toi qui parle, mais t'es pas en train de nous prendre pour un con, là. Non, mais je comprends pas très bien la question. Non, tu comprends bizarre. Pas. Non, mais t'es tu es en train de te toucher, toi, en fait. Ouais, j'ai l'impression. Petite borne. Petite borne. Oui et non, parce que tu travailles pour quelqu'un, mais bon, t'es pas à domicile, quoi. Quand tu vas faire les courses, dans le supermarché. Mm-hmm. Donc quand t'es dans le supermarché, c'est pas au domicile. Ouais. Bon, et celui qui dit au baron derrière, arrête, parce que ça commence à me gonfler. Ok. Alors, petite borne pour toi, j'ai géré. Je t'ai dit, Gérard, ça dépend. Quand t'es, quand t'es au supermarché... Non, mais, mais attends, regarde, petite borne. Par exemple, une personne âgée. Oui. Appelle, par exemple... Ah, c'est le standard, c'est une merde. On est une merde au standard, donc... On a une merde. Veuillez nous en excuser, donc en attendant que ça se récupère... Non, c'est bon, ils sont là. On est là. Hein. Alors, donc, petite borne, donc je voulais répondre à ta question. On a une merde. Donc, bon, hé, toi, tu fermes ta grosse gueule, ça vaudra mieux. Allô. Non, mais on a une merde, faut dire. Tu fermes ta grande gueule. Voilà, retourne à 3, va voir dans ta main. Va voir s'il y a dans ma basement. Va voir s'il y a pas une putain de vache là qui t'attend. Allô, est-ce que je suis à l'antenne? Mais oui. Bon, Manu, tu mets à ton micro. Ça va bien. Oh là là là là, ça commence à devenir lourd ce soir. Allez. Allez, alors, hop. Petite borne, donc pour revenir à ta question, je sens qu'il y en a un tout à l'heure qui va se prendre une bave dans sa gueule, mais méchant. Fildar. Là, je vais pas te louper. Fildar. Ouais, Fildar. Fildar. Je crois qu'il y a un gros dard qui l'a piqué cette nuit. Ouais. Je me demande s'il a pas été piqué par une grosse pute aussi. Ouais. Parce qu'il aime bien les putes, il paraît. Non, on voit pas sa vie privée, s'il te plaît. Alors, petite borne, donc. Elle a pas fini, hein. Donc, petite borne. Petite borne, pour répondre à ta question. Bon, alors, quand l'autre, il arrêtera sa merde, là-bas, il me fera signe. Moi, je fais rien, maintenant, c'est bon, tu me laisses. Ouais, dans ces cas-là, tu sors des studios, ok? Moi, je fais rien, là, j'attends. Ouais, t'attends. Qu'il fasse son boulot consciencieusement, comme un mec qui est payé pour faire son boulot. Ouais, toi, t'es payé à quoi foutre? À percier ton monde. Hein? Alors, si t'es payé à percier ton monde, tu sors des studios, c'est pas la peine que tu restes. Allô? Oui. Donc, Bodonichon. Bobonichon. Bah écoute, moi je suis d'accord, c'est vrai quand ils sont au supermarché, ils sont pas employés à domicile, donc en fait c'est un emploi à domicile à mi-temps. Voilà. Moitié à la maison et moitié dans les supermarchés pour faire les courses. Voilà. À mi-temps, Par contre, attends, pour répondre quand même à vos questions, faut bien se dire une chose, que lorsque vous appelez un supermarché, par exemple, les personnes âgées, comme elles peuvent pas se déplacer, elles appellent bien le supermarché pour qu'on la livre. Ouais, tout à fait. Donc, mais elles ont pas de fric, les vieilles. Mais si. Petite borne, tu restes calme ou sinon je te vire tout de suite, toi. Ah, mais je suis tout à fait calme, mais elles n'ont pas d'argent pour se faire livrer. Ça dépend lesquelles, hein. Ouais. Ah, Gérard. Rigo, oui. Ouais, à propos de paye, il y a Rick, il te demande sur IRC combien t'es payé pour nous faire chier à domicile. Ça, j'y répondrai pas. Pizza, 75 balles. Qui c'est qui vient de sortir ça? Polo. Alors, Vous essayez de me gérer. Oh, Gérard, au lieu de jeter entre vous, là, au standard. Non, mais on se demandait lequel c'était. Ouais, bah, vous allez me le chercher maintenant. Ok. Maintenant. Parce que sinon, ça, je vire tout le monde, moi. Ah, bah non, ça serait dommage. Moi, je vire tout le monde de là. Toi, pour une pizza, ça serait dommage. Bon, alors, toi, tu dégages, c'est terminé pour toi. Bah, allez, hop, pourquoi je veux pas le savoir. Tu me le vire n'importe qui au hasard, je veux pas le savoir, c'est un mec. Hop, dehors. Mais non, c'est moi qui ai dit ça. Eh ben alors, petite borne, au revoir. Hop. Alors, petite borne terminée, ce coup-là. Ok, great. Ça y apprendra. Gérard, il y a un compliment de Père Fouras. Il dit que tu es à la radio, ce que Jouisseuse Mystère est au régime. Ah, ça, c'est bien. Ça, Jouisseuse Mystère, ça, c'est son petit problème, c'est pas le mien. Ça, ce qu'elle a fait lundi, c'est un compliment. C'est un compliment. C'est pas mon problème, donc c'est elle qui a voulu le faire en direct. Elle a voulu démontrer à Pauline comment qu'on faisait une jouissance en direct. Parce qu'elle n'a pas été capable de le faire. Et toi, t'arrêtes un petit peu tes conneries, parce que ça commence à devenir lourd. Ça va, Philippe, t'es chiant. Hein ? Alors, cinquième question. Peut-on créer un emploi à domicile par une entreprise ? On va demander à Bodo Nichon. Ouais, ben... Bah, merci. Et ça recommence. Oui, mais ça... On a une merde. Le matos. Au lieu de faire des dons au Kosovo, on devrait faire des dons pour Famille Radio. Attends, qui c'est celle-là, là ? Ouais. Je sais pas. C'est Milosevic. Oh non, bon, alors là, allez, là, c'est terminé, le débat, il est terminé. Non, Gérard, je les ai virés, c'est pas grave. Il nous reste Bobo Nichon et on va accueillir Keneda. Bonsoir. Pour l'instant. Oh la merde. Rien accueilli. Keneda. J'ai eu peur. On va rien accueillir. Sérieux, Keneda ? C'est folie. Bonsoir. Gérard, tu cherches quoi, là ? Parce qu'on a les problèmes de standard, autant faire un petit sondage en attendant, là. Bah voilà. Le sondage, il est où ? Il est où ? Bah, on te l'a donné tout à l'heure. Hein. Ah oui, il est où le sondage sur les emplois à domicile ? Bah, attends, il est là ? Bah alors, putain, c'est Manu qui a pas fait son taf encore. Ouais, non, mais de toute manière, vous êtes des feignants en ce moment. Non, la question, alors, travaillez-vous à domicile ? 46% des gens ne travaillent pas. 34% des gens sont en congé maternité. Mmh. 21% des gens travaillent déjà chez leurs parents, dont ils ne savent pas. Alors là, je vais te dire une chose, celui qui a été me sortir ça, c'est de la merde. Non, bah explique, attends. Parce que c'est de la merde, mais tu comprends même pas ce que tu lis. Attends, les parents dont ils ne savent pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est toi qui cherches les sondages comme ça ? Mais non ! Alors dans ce cas-là, c'est à toi de donner des explications sur des sondages. C'est pas à moi, ok ? Mais c'est compréhensible. Ouais, ouais. Les gens, ils vont pas travailler à domicile s'ils sont chez leurs parents. Ouais, ouais. Alors donc, ils ne savent pas. De quoi ? Donc ils ne savent pas quoi ? Travailler à domicile ? Non, mais attends. Non, ils ne savent pas parce qu'ils sont chez ses parents. Mais ouais, c'est ça. Ouais. De toute manière, tu sais même pas me trouver des sondages potables. Je vais demander à Gaëlle qu'elle me les fasse, les sondages elle-même. Alors d'après vous, est-ce plus facile de travailler à... Oh, ça y est, Apolline ou quoi, là ? Alors Apolline, c'est tu bon, sors, c'est... Non, non, c'est tu bon, sors, c'est bon, c'est bon. Tu sors, c'est le deuxième avertissement, tu sors, c'est terminé pour toi. Au revoir. Mais non, mais je lui dehors, c'est terminé. Tu peux prendre tes clics et tes claques. Ah non, mais c'est pas normal terminé. Que tu la vires. Alors comme Manu, il fout sa merde. Régo, il fait des doubles voix toutes les 10 secondes. Non, elle bosse, non. Et tu la laisses pas alors dans moi, les studios. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est vrai, merci Phila. Bon, faut pas exagérer, quoi. Alors, hop, vous balancez un disque et vous non, mais y a pas. Mais non, mais il n'y a pas à balancer un disque. Les auditeurs sont là, ils t'attendent, donc viens travailler. Mais en plus, j'en ai retrouvé deux, Gérard, là. Allez, viens. Keneda. Je continue pas à travailler avec une équipe comme ça. Mais on est bien, on t'explique. Je fais du bon boulot. On t'explique le boulot. Non, je continue pas. Oh, viens, allez. Allez. C'est fini, bon, bah, on te retire ta paye du mois, là. Bon, c'est bon, les mecs, alors on va se partager. Bah, c'est cool. Bon, bah, Gérard, beaucoup, il gagne 2-3 euros. Tiens, tu sais quoi ? Tout à l'heure. Attendez, tout à l'heure, Gérard, il disait que pour ces débats. Oh ! On ouvre pas la cassette. Hein. Ouais, allez, quelqu'un m'écoute là ? Les débats de Maloulou. Non, t'écoute, mon pote. Voilà, merci. Tout à l'heure, Gérard, il disait que le plus qualifié pour faire ces débats, ce serait Rigo. Bah, on y va, Rigo. Allez, vas-y, Rigo. Vas-y, fais ta belle question. Allez, on y va. Vas-y, la suceuse. C'est toi le suce-boule, je te rappelle. Non, c'est toi le suce-boule. Excusez-moi, il y a. Faillot, Rigo. Donc Rigo, tu m'écoutes ? Il y a Keneda, Bobo Nichon, ouais. N'importe quoi. Bah attends, si je suis qualifié pour faire mes débats, je me casse. Dom-tom Seal. Allez, balance. Ouais, salut, balance. Je me casse. Vas-y, Rigo. Je me casse. Je fais les débats, je me casse. Je te kiffe, Rigo. Bah non, Rigo, reviens. Je suis suis bonne, Rigo. Rigo. Ouais, mais si tout le monde se casse, attends les deux secondes, les auditeurs. Écoutez. C'est bon, Gérard? C'est le deuxième avertissement. Donc la semaine prochaine t'es pas là. Mais j'avais rien fait. Ah putain, elle a rien fait, c'est dégueulasse. Quand je parle, t'as pas besoin de parler à Pildar, d'accord? Donc c'est le deuxième avertissement, la semaine prochaine t'es pas là. Jeudi prochain, je te veux plus dans les débats. Je veux même pas te voir quand j'arrive. Ah bah d'accord. C'est comme au foot alors, deux cartons et tu vires, c'est ça? Mardi soir, prochain nuit, 100% conseil de Gérard et Sandy. Alors donc mardi, je te veux pas. Alors là, tu peux rester à Lille. Ah là, surtout. Surtout mardi, je te veux pas. Bah, dommage, parce que c'est moi au standard. Ah mais non mais. Non. Tu seras pas là. tu seras dehors. Ouais. Ah non mais là, je te veux pas. Donc. Là, tu seras dehors. Bon, maintenant, vous allez fermer vos micros. Hein. Donc, Rigo, si t'as quelque chose à me dire, tu, sur l'internet, tu le dis. Oh, le susboule, mais c'est hallucinant. Un truc de ouf, ça, c'est un truc de ouf. Eh oh, au standard, vous fermez vos gueules, vous faites votre boulot, vous c'est me prenez sur les 24 lignes. Bon, ben. C'est vrai. Celui qui s'amuse à faire ça, Olivier Delapro, tu sors des studios, s'il te plaît, t'es derrière. Olivier, t'es derrière. Non, je l'ai vu rentrer. Je l'ai vu rentrer, il est là, il est derrière. Regarde. Ah, il est là-bas. Ouais, t'as mis toi à faire des conneries, toi, là-bas. Tu vas voir. Gueule pas comme ça, hein. Et toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Oh, tais-toi. Toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Ou sinon, tu as baisé tes vaches à trois. OK? Un conseil, c'est la dernière fois. Mais quoi? Je parle en sourd et muet. Mais je parle en sourd et muet. Je te jure, tu vas te prendre dans ta gueule avant la fin de l'émission. J'ai des signes de sourd et muet, faut pas parler. Faut savoir ce que tu veux, tu me dis de fermer ma gueule et après. Bon, Rigo. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des questions intéressantes sur l'internet. Bah, il y a Ri qui dit que, à force de parler des vaches à fil d'art, il se demande comment tu considères la tienne. Et la mienne, je la considère comme elle est, et c'est pas une vache. Ouais, bravo. Ma femme, c'est pas une vache, donc je pense que lui, il est même pas capable de trouver une nana, donc il ferait mieux de se la fermer sa gueule. Alors, peut-on créer un emploi à domicile par une entreprise? Et on va demander à... Non mais attends Gérard, parce que quand t'es parti, j'ai recueilli du monde moi entre-temps. Ouais vous me faites une fiche propre. Une fiche propre, ok. Donc, t'as Dom Tom Seal. Non, mais... Ah bon, tu veux que je t'écrive non, tout? Non, tu réécris, c'est pas. C'est super, super radiophonique le temps que je te réécrive tout. Non, mais je m'en fous, je vais continuer mon sondage dans ces cas-là. Alors, d'après vous, est-ce plus facile de travailler à domicile? Alors, 49% des gens pensent que oui. 34% pensent que non. Alors, Fildar, donc dans ces cas-là... Hé, hey, oh! Oh, Trablo, là! tu fais une chose? C'est toi qui as sorti ce sondage. Là, tu t'expliques aux gens comment tu me sors des sondages. Alors maintenant, tu te démerdes, tu leur expliques aux gens. Je crois que ça passe par une imprimante. Ouais, alors c'est un clavier avec les touches. Non, c'est pas un clavier avec des touches. Donc, merci Manu. Donc, tu réponds aux gens correctement sur ce que tu me mets là comme sondage de merde. Parce que pour moi, c'est des sondages de merde. Le double. Alors donc, on va le laisser parler. Moi, je vais fermer mon micro et puis on va attendre. Mais attends, mais non, c'est pas mon heure. Hein, je travaille pas à ce temps-là, moi. Mais attends, t'es payé à quoi foutre alors à te branler les couilles? Non, foutre la merde. Ah, foutre ta merde. Ok. Alors, tu peux dégager, c'est tout. C'est terminé. Hop. C'est normal que ça soit Olivier. Olivier. Olivier. Non, alors, Olivier. Posez-vous, là. Tu prends la place de Pildar, tu me vires Pildar. Allez, hop. Hop, terminé. Toi, Olivier. Terminé pour toi, Fidar, ton sondage. Allez, viens, mon amour, Olive. Est-ce qu'on pourrait avancer allô, là dans les débats? Allô, Marc, non, je veux pas te passer dans les débats. C'est pas parce qu'il y a Olive que je suis. Il y a une porte qui claque là. Il y a courant d'air. Bon, alors Manu, te fous pas de ma gueule. Il y a un courant d'air. Alors, question. Oui. Olivier, fais gaffe parce que tout à l'heure c'est Max qui va être là. J'ai rien dit. Bon, allez. Allô, allez, Olivier, allez. C'est Marco. Allez. Fais-moi la VA. Bonsoir à tous et à toutes. Les auditeurs, je veux la suite du débat. Ok, tu vas la voir la suite. Aïe. Bon. Alors maintenant, j'espère que ça va mieux se passer, comme ouais. Le chef est à l'AREA. Ah, donc, le chef à l'AREA. Le chef à l'AREA, ça veut dire attention. Bonsoir le chef, bonsoir Max. Respect. Ah ben, de toute manière, il vous dit bonsoir. Bonsoir. Alors, peut-on, alors la question, c'est peut-on créer son emploi à domicile par une entreprise? On va demander à Tom Seal, tu peux me donner ouais, ta fréquence s'il te plaît. 103.7. 103.7, ok. Donc, pour toi? J'ai pas trop compris la question. Oh non, mais attends, hey. Donne-moi un exemple, s'il te plaît, c'est pas de ma faute. Peut-on créer son emploi à domicile par une entreprise? C'est facile, pourtant. Oui, tu peux... Oui, oui, on peut. Alors, tu peux préciser? Ben, l'entreprise... je peux pas citer de marque, donc je pourrais pas préciser, je suis désolée. Ouais, ouais, ouais, faut mieux pas faut trop. Mieux que je me taise. Ouais. Non, non, mais tu me diras ça hors antenne si tu veux pour me. D'accord, je te prends en antenne à 3h30. Non, à 3h30, alors là, je vais te dire une chose, à 3h30, je suis dans mon lit avec ma femme. Ça chauffe. Bah, N'importe quoi. Ah, mouille. N'importe quoi. Oui, Gérard, bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît, bonsoir. Je t'appelle du 3-7 et mon... Voilà, oh avec la voix comme ça, il faut la zapper, elle. Bon, ta fréquence, s'il te plaît. 102.8. Oh, quelle catastrophe. Oh là là. Une catastrophe, les voix cassées comme ça. Bon, qui c'est qui t'a choisi, n'importe quoi? C'est Manu. Ouais. Manu. Manu, pourquoi tu prends des voix cassées? Par hasard. On t'a dit pas de portable, non, pas de sans fil et pas de voix cassée. Alors tu fais une chose, c'est n'importe quoi. Non, tu retournes voir le médecin au standard. Il va. Non, mais on va la garder quand même. On va essayer de voir ce qu'elle peut faire. Ça se trouve, elle est peut-être intéressante. Ça m'étonnerait, mais ça peut. Ça peut faire. Bobo Nichon. Manu, pas d'œil de verre, pas de jambes de bois, tout ça. Bobo Nichon. Ouais, bah écoute, tout à fait, il faut créer des entreprises. Non, mais attends, tu permets. Balance, moi. 101.9. Bah, attends, oui. Pour l'instant, oui. On n'est pas à la question. J'accueille Kenneda. Oui, bonsoir, Gégé. Bonsoir. Bon, alors lui... attends, mais j'ai un problème de voix. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans ce monde. Je l'ai pris sur l'IRC, Gérard. C'est un bon auditeur. Ouais, c'est rien. Hein. T'inquiète pas, Gérard. Fréquence. C'est 102.8. Donc, 102.8... À Dunkerque. C'est ah, bon, à Dunkerque, c'est 102.8 là-bas, l'espèce de nordiste. Ouais, je confirme. Ouais, tu confirmes. Ouais, tu confirmes mon pied dans le cul tout à l'heure. Ouais, tu as. Ah, oh, sois pas vulgaire. Ouais. Mais ça m'étonnerait qu'à Dunkerque, ça soit 102.8 la fréquence Fun Radio. Toujours, c'est vrai. Merci le standard. Et ça recommence. Oh non. Pauline, tu vois pas, baisse le casque. Oh là là là là là là. Je tiens quand même à dire qu'on est 60 connectés sur le Minitel, ce qui n'est jamais été arrivé depuis, je crois, 2 ans à cette heure-ci. Ah si, on a fait 300 000. On a fait 800 000. Non, sur... mais à je parle de 2h46. Et sur l'Internet, on est... Sur l'Internet, on a pas mal baissé, on est plus que 4728. Bravo, Gégé. Dommage. Non, c'est pas grave, mais ça, de toute manière, on va récupérer ça dès mardi. Ils te demandent tous quand est-ce qu'ils pourront réentendre ta jouisseuse. Jamais. Bon, oh! Au moins de la badoie! Ah, un pack de cristalline, là! Oh, Apolline, je gère. Voilà, c'est géré, c'est alors, Dom Tom Seal, la question. Oui, j'ai déjà répondu. Ah bon? Alors, n'importe quoi? Ouais, Gérard, en fait, il y a des entreprises qui forment les gens pour qu'ils aillent travailler à domicile. Mais d'ici là, dire que ce sont des entreprises à domicile dans l'entreprise, c'est difficile. Non, ça va, je crois que c'est vrai qu'il y a... T'as pas écouté. Hein. Ça dépend d'un nom, mais de toute façon, je dis n'importe quoi. Oh là là. Non, bah, tu dis n'importe quoi. Au revoir. Je suis assez d'accord avec Gérard. Le problème, c'est que comme elle est enrhumée, on comprend rien de ce qu'elle dit. Voilà. Comme ça. Ouais, salut Mike. Ça va bien? T'es revenu de la tombe ou quoi là? Fais gaffe, ça va chauffer! Je crois que c'est Phil Dark. À ta place, je purée ou je fermerai la porte. Phil Dark, casse-toi parce qu'il est dans le studio. Il est dans le studio d'à côté. Il a une batte. Dalida. Il est où? Il y a personne? Pose-moi Dalida, Mike. Ah non, mais je crois que c'était Phil Dark. Je veux lui parler. Mais il doit être dans le bureau. En fait. Non, il est pas dans le bureau. Il y a pas de. Il faut qu'il y ait un micro dans le bureau, Gérard, quand même. Réfléchis. Ouais, mais il peut très bien s'amuser à faire le con. Un peu. Alors. Avec ton gros gland. Truc de ouf. Allez, on y va. Bon, allez, Tmoni, on va conclure parce que. Bah non. Mais non. Pas mal de trucs à annoncer. Alors. Qui va se durer ce week-end. Mais il y a encore 12 minutes, encore. Bobo Nichon. Ouais, bah écoute, je te disais donc tout à l'heure, il faut créer des entreprises en France. Ah, ça recommence. Gégé, on accueille Jean-Claire. Non. Pour l'instant, il y a un problème de standard. Pour l'instant, tu me donnes. Non, tu me donnes le titre. Salut. Gilbert, on te reçoit. Ah, c'est trop le bordel. Là. Non, pour l'instant, on va calmer tout le monde. Il y avait quelqu'un de France Télécom, il peut peut-être nous aider. Gilbert. Oui. Ah, vous aussi, vous avez un problème. Bonjour, Gilbert. Faut qu'on m'annonce. Ouais, tout à fait. Ouais, je vous écoute. Ouais, mais monsieur, oui, mais le problème, c'est que là, on a besoin des lignes. Il nous reste encore 11 minutes du débat de Gérard. Ouais, bah, faites vite. Bande de feignards. Et alors, donc, la question, c'est peut-on créer un. On m'a annoncé. Ouais, on t'écoute, là, le nouveau. Ouais. Et bah, voilà, il a coupé le contact. Ah ouais, carrément. Allô, donc, monsieur. Oui. Ah, mais là, vous nous avez coupé les auditeurs, monsieur. Oh là là. On entre. Bon, allez. Allez, on va mettre les coiffeurs traversés. Les coiffeurs bon. Traversés. Qu'est-ce qu'il a, Scarface, là ? Qu'est-ce qu'il fout ? Et on va s'écouster les coiffeurs traversés. Oh là là, on n'entend plus rien. Avec. Allô ? Avec. Allô ? Ta gueule ! Allô, allô ? Bon, allez, arrêtez de parler texte de l'eau, c'est bon, c'est fini. C'est bon. On va non, mais on va finir le débat. Attends, finis le débat. Non, ils vont répondre. Les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi? Attends, parce que t'as ta voix, il y a un problème de voix. T'en gueule pas, attendez, hop, j'enlève les auditeurs. Chut. Parle pour voir. Alors donc, on va s'écouter. Oh là là. Non, mais là, c'est une catastrophe. On va arrêter. On va arrêter. De toute manière, on fait la sixième et on arrête après. Ah, c'est bon, ça marche. Allez, il reste 10 minutes, on essaie de terminer avant que tout s'écroule là. La radio est en train de s'écrouler là. Les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi à domicile? On va s'écouter, comme ça vous allez avoir le temps de réfléchir. Le problème, c'est qu'il reste 10 minutes, il faut mieux terminer là. On va mettre. Non, il reste 9 minutes. Bah, et c'est marqué là-haut. Non, 9 minutes. Oui, parce que non, elle est à l'heure, c'est l'heure. Non, moi. C'est l'heure d'état, là. Non, mais moi, j'ai l'heure, c'est l'heure. Donc, on va s'écouter des coiffeurs travestis avec Mets-moi des bigoudis au cul. J'ai une fête. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat sur les emplois à domicile. À tout de suite. Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Donc on vient de s'écouter les confiseurs traversés avec Mets-moi des bigoudis au cul. J'ai une fête. Donc en fin de compte, c'était, si je me souviens bien le nom du chanteur, ça doit être... Non, je sais plus qui. Enfin bref, c'est pas grave. Je retrouverai ça un peu plus tard. C'était qui le titre, le nom? Le nom du chanteur chef. Ah, le chanteur là? Ouais. Stardust. Stardust. Stardust, ouais. Stardust, comme dit si bien notre ami Alain. Non, pas Alain. C'est pas grave, il est pas dans le débat, on y va. Enfin. Pour terminer le débat, donc on va. Accueillir. On accueille Dom Tom Seal, donc toujours là. Bonsoir. Bobo Nichon, ouais, toujours là. Toujours fidèle au poste. Keneda, bonsoir. Ouais, salut. Rebonsoir. Ouais. Jean-Claire, ta fréquence, s'il te plaît 120.2. Comment 102.20. 101.2. 101.2, merde. Ouais, du Havre. Du Havre. Voilà. Alors donc la question c'est les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi à domicile? Jean-Claire. Moi ma voisine par exemple, c'est un bon exemple, elle s'appelle Madame Hochemonek et elle se sent toute seule et des fois pour tromper son ennui elle voit des grosses bestioles avec des poils roux. Mais c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Bon, bon attends. Est-ce que tu as compris la question? Est-ce que tu as compris la question? Explique-la, Gérard. Moyen, quand même. Alors, les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi? Oui, bien sûr. À domicile. Oui. Donc, j'explique bien. Oui. Les femmes sont, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, sont plus autoritaires que les hommes sur des emplois. C'est vrai? Oui. Keneda, donc pour toi. Ouais, t'as tout à fait raison. Les femmes sont plus solitaires que les hommes. Il y a qu'à voir quand elles font le ménage. Ouais. À chaque fois, c'est chérie, va voir la télé, tu peux boire une bière, va voir le foot. Moi, je vais faire le ménage, j'astique tout à fond. Tu connais ça, Keneda. Hein. Et je te remercie. On laisse parler, s'il vous plaît. C'est inadmissible. Bon, les femmes sont l'égale de l'homme. Ouais, mais je pense qu'il y a plus de femmes qui font le ménage que d'hommes. Ça, faut bien le reconnaître. Oui, c'est vrai, mais je trouve ça dégueulasse. Pourquoi ? Bah parce que c'est aux hommes d'aider un petit peu quand même. Non, c'est tout le monde. Hein. Et Canada, t'as ta voix qui mue, fais gaffe. Hein. Ouais, je sais, mais j'essaye. Hein. C'est dur. Donc, je sais pas qui c'est qui a... je sais pas qui c'est pas mon écriture, c'est pas l'écriture à pile d'art, donc ça peut venir que de là. Je sais pas qui c'est qui s'est encore amusé à vouloir faire gagner des CD un jeudi soir. Bah, je voudrais bien musique de nuit, moi. Ah, mais non. Ah, bah moi, voilà, c'est Manu. Non, mais rien mais à voir. Mais c'était de là, c'était à peine avant que t'arrives, Gérard. Alors, mais alors bah pourquoi, allez, que ça, pourquoi que ça m'est, que ça m'est arrivé là, Bobo Nichon. Bah écoute, c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes qui font le ménage. Et moi, un jour, il y a un pote qui m'a expliqué, c'est parce qu'en fait, les femmes, elles ont des pieds plus petits, donc elles sont plus près de l'évier, donc c'est plus facile pour faire la vaisselle, tout ça. D'où le fait qu'il y ait moins d'hommes, parce que quand tu choses du 45, t'es vachement loin de l'évier. Donc pour faire la vaisselle, tout ça, c'est relativement plus difficile. Ouais, ben je pense pas, là. Je pense que tu te trompes, hein, mon pote. Bobo Nichon. Ouais, Bobo Nichon. Attends, Bobo Nichon, il y a quelqu'un qui veut parler, qui c'est ? Ouais. Oui, c'est Jean-Claire. Ouais, vas-y, alors... je voulais demander à Bobo Nichon sur si sur son frigo, il y avait des magnettes de Evelyne Delia. Non, bah alors, Jean-Claire, tu arrêtes de préciser des noms, d'accord ? Dom Tomsil. Alors, moi, je... Moyen, Sophie. On se calme derrière, merci. Allô ? Oui, je t'écoute. Oui, est-ce que tu connais Madame Esservi ? Donc, Tony Danza, il a toujours été solitaire, pourtant c'est un homme, tu parle vois. Parle pas de Tony. Bon, vous essayez de me calmer, là, entre Jean-Claire et Bobo Nichon. Ah bah non. Faut peut-être essayer de me les calmer quand les gens parlent. On est calme. Bon, alors, donc, Dom Tomsil, là. Allô ? Dame Tom Seal. Non, mais à mon avis, c'est lui qui s'est calmé. Ouais, voilà. on l'a viré, donc on a... Ah non, mais attends, celle qui a pas répondu, vous me virez une nana. Mais vous êtes des caves ou quoi, au standard? Mais non, parce qu'on l'a viré, parce que c'était elle qui déconne. Non, c'était pas elle, c'était les mecs. Bah non, tu t'es trompé. Putain, mais vous êtes que des caves ce soir, hein, au standard. Attends, on va faire un tour au standard. Allez, hop. Combien de temps dure? Ici le standard, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en une fraction de seconde, on a réussi à virer Dom Tom Seal. Et ensuite, dans la même fraction de seconde, on a appuyé sur la touche 7 pour accueillir Apolline. Qu'est-ce qui... Putain d'homme, 30 ans. Non, mais c'est bon. Non. Vous récupérez Dom Tom Seal et c'est tout. Bravo, Manu. Bravo. On joue à Fildar à côté du père Fougnas. Bon, alors, donc, il est quelle heure? Il est 3 heures. On fait la conclusion. Non, continue. Là, c'était bien, là. Non. Vous me récupérez. Au standard. Allez, récupère là. Elle doit pas être loin. Hein. Oh là là là là là là là. Bah c'est ouais. Quoi là, ce bordel là ce soir là? Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, Dom Tomsil, est-ce que t'es encore là? Oui, je suis là. Ah. Donc, alors... j'avais pas fini. Donc, je disais que Tony Danza, au début, il était célibataire, mais. C'est Jean-Claire qui est parti. Allô? Ouais, je t'écoute. Et il a fini par se taper Angela, donc il n'y a pas de solitaire dans les domiciles. D'accord. Donc, dernière question, et puis après, on va faire une conclusion avant que j'annonce ce qui va se passer durant le week-end. Durant le week-end, et pour bien préciser à tout le monde où on sera durant le week-end. La question, c'est quoi? Alors, combien de temps dure un emploi à domicile? On va demander à... Donc, Jean-Claire est parti, donc on va demander à Canada. Combien de temps dure un emploi de domicile, c'est ça? Ouais. Non, mais attends, hé, Canada. Oui. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Bon, bah, ça dure à peu près, je sais pas, moi, les emplois à domicile, ça dépend à quelle heure tu prends, quoi. 8 heures. Si tu commences le matin et si t'es assez performant, tu finis avant midi. Si tu prends vers 10 heures, t'es assez performant, tu finis après midi. Puis voilà, ainsi de suite. Bon, alors, Canada. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir. J'ai essayé de répondre à la question. Mais non, mais attends. Pour l'instant, t'es complètement à côté de la plaque et t'es en train de te foutre de ma gueule. Excuse-moi. Pour l'instant, t'es complètement à côté de la plaque et tu te fous de ma gueule. Au revoir. Je me fous pas de ta gueule. J'aime pas qu'on me prenne pour un con et j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Au revoir. Il va pleurer. Alors, Bobo Nichon. Ouais, bah écoute, je pense que les emplois à domicile, ils sont soumis aux 35 heures, hein, comme toutes les professions. Non, donc, attends, bah, attends. Si. Non, écoute bien la question. Ouais, combien de temps dure un emploi à domicile? Bah, 35 heures par semaine, hein, je non. Crois que ça. Ou 39. Alors, non, alors déjà, pour bien se dire une chose, déjà, pour commencer, les femmes de ménage, quand tu les prends à domicile, hein, mais ça dépend de la loi, quoi, tu vois. Attends, parce que là. Si les 35 heures sont passées, tu peux pas aller contre. Moi, ouais, je vois bien. Bah oui, moi, à l'arrière, oui. Ah oui, c'est la loi. Ouais, bah, la loi. Dom-tom Seal. Oui, donc moi, je pense que c'est selon les pays. Hein. Il y a des dérogations. Mm-hmm. Et il y a un certain nombre d'heures qui est imposé, comme être chauffeur de taxi. Il y a un certain nombre d'heures. Non, mais attends. Hey. Pas le débat. Oh, c'est plus le débat, là, les chauffeurs de taxi. Hein. Oui. J'ai à la place de Keneda, on accueille Kisto Clodo, 23 ans, de Paris aussi. Quoi? Comment? Son nom? Kisto Clodo. Salut Kisto. Bonsoir à tous. Salut grand maître des Kisto. Bonsoir. Salut. Ça va? Bonsoir. Ça va bien? Bon, alors donc, oh là là. Oh, on se calme là. On se calme. Donc, pour toi, la question, tu l'as entendue? Ah non, désolé. Bah, au revoir. Non, il va prendre son nom correctement. Ok. Hein? Jean-Pierre. Hein, Tony? Jean-Pierre. Non. Non, Tony. Ok, bon, pose-moi la question, mon pote. Allez, on le garde. Comment que ça se fait que j'y reviens sur le deuxième débat? Je crois que j'avais dit un débat. Il nous a bien bluffé, en tout cas. Non, mais moi, j'y avais dit un débat. J'arrivais pas à dormir. Non, Tony. Allez, on y va, là. La conclusion, donc. Non, mais ça regarde personne. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Dame Tom? Elle n'a pas répondu à la question. Ouais. Ah ben, vas-y, si elle a répondu. Non, c'était pas Dame Tom Seal qui a parlé. C'est le Métadone, mais j'ai pas répondu à Métadone. La question. Métadone. Voilà. Métadone. D'où ça sort encore ces noms-là? D'une seringue. Ça sort d'où, là, le Dame Tom Dome, là? Putadome. C'est une nouvelle qu'on a viré Keneda et... Non, mais Jean-Claire, Gérard. Non, mais de toute manière, on fait la conclusion, c'est fini. C'était un bon débat. Hein. Ouais. Bon, alors, Dame Tom, qu'est-ce que t'as pensé du débat? Mortel. Oh là là là là là là. C'est bien, c'est super. Et l'arsène. Super, le standard. Bon, putadome. Bon, putadome, conclu... Au lieu de te mettre des doigts, là. Putadome, au lieu de te branler. Vraiment... Bon, allez, hop, terminez les conclusions, vous les prenez. Conclusion IRC. Non, allez, tu peux leur dire au revoir. Tant les conclusions comme ça, j'en vois pas comme ça. Hop, conclusion IRC. Alors, conclusion d'Yanky, après Fort Boyard et son père Fouras, les débats de Gérard avec le père Fourré, appelé aussi père Cocu, pour ceux qui connaissent son gros tas de gras. Et ça passe. Ça, je veux dire une chose, Fildar, tu vas arrêter de faire du Larsen. Et avec quoi je fais du Larsen? Bon, vous éteignez vos micros, les deux, là. Tout est éteint. Non, mais vous pouvez dire au revoir aux auditeurs. Ils sont coupés, les auditeurs, c'est pas eux. Hein. Alors donc, après... Et il y a Jackmat, il dit qu'en fait, tu fais du travail à domicile, vu qu'ils écoutent tes débats de chez eux, et là, avec la jouisseuse mystère dans sa cage. Bah, c'est bien. Et ça passe, ça aussi. Hein. Curpentine, mon débat n'avait ni queue ni tête. Je pense qu'elle est plus là. Comme toi, elle est là. Ah, ni queue ni tête, comme toi. Et donc, pour finir, avant que j'annonce tout ce qui va se produire, donc on termine à combien? Ah, on n'est pas beaucoup, hein, on est 3023. Ouais, bah, c'est pas grave. Alors, donc, que je vous annonce ce qui va se passer durant ce week-end. Alors, vendredi, Max avec Jean-Marie Casse sera demain soir au César Palace, c'est-à-dire ce soir à Saint-Avold, près de Metz. Bon, Pildar, tu mets à ton micro quand je parle, s'il te plaît, d'accord? Merci. Au standard, pareil, tu dis au revoir gentiment aux gens parce que j'annonce ce qui se passe. Ouais. Alors, demain soir, Max avec Jean, disons ce soir, Max et Jean-Marie Casse seront à Saint-Avold, donc c'est près de Metz, Nancy et de Thionville, donc venez nombreux pour les accueillir, parce que ça sera uniquement techno. Samedi, à l'Écho du Lac, à Torigny-sur-Vire. Oh! Quoi? Ah, j'enlève les auditeurs, pardon. Donc, samedi, à l'Écho du Lac, à Torigny-sur-Vire, avec toute l'équipe du Star System pour l'Happy Birthday. Non, je peux pas venir, en fait. Quoi? Je peux pas venir. Quoi? Alors, conclusion. Au revoir aux auditeurs. Mais non. On va faire des conclusions. Non. Fildar, tu m'éteins tout le monde. Maintenant, c'est terminé. Les conclusions, il y en a plus. Comment ça, tu peux pas venir? Je peux pas venir. Parce que j'ai un problème familial. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure pendant le débat. Et j'ai un empêchement, je peux pas venir. Non. Oh merde. Ah bah alors moi non plus, je peux pas venir. Je suis malade. Ouais, si, il viendra, c'est une farce. Bon, alors donc, samedi soir à l'Écho du Lac, à Torigny-sur-Vire, avec toute l'équipe de... Et toi, fais gaffe, parce que tu as... Donc samedi soir à l'Écho du Lac à Thorny-sur-Vire, donc avec toute l'équipe du Star System, donc j'y serai aussi, il y aura des séances de dédicaces faites par l'intermédiaire de Rigaud, donc venez nombreux aussi. Sinon ce soir à la loco, il y aura Gigi Téléphone, Gigi Alcool, Gigi Jean Lefebvre et au percu Daniel Alain, Sylvain Hélène. Et on exclut au saxophone Joseph. Et mardi, donc mardi, on sera le combien mardi 12 mai. 12 metteurs, je vais te mettre 12 coups de poing dans ta gueule, quoi. Donc mardi, donc lundi, je vous dirai. Donc ça sera une nuit 100% conseil de Gérard et Sandy. Donc alors, donc de minuit à 3 heures du matin. On va faire 15 conseils chacun. Bouquez vos soirées, ouais. Les mecs. Alors donc, si... On va faire 15 conseils chacun, c'est cool. Ouais, pour l'instant, tu te tais, toi. On peut faire une conclusion, mon pote ? Ouais, bah maintenant, vous faites votre conclusion et après, je laisse ma place à Seb. Ah bon, alors, bon bonichon. Ouais. Donc, je vais dire que ton débat, ce soir, franchement, c'était bien. Ça a bien bougé. Je voulais savoir pourquoi Tony a le droit de passer sous son vrai nom et pas moi. Toi, tu t'appelles comment? Patrick. Je sais plus, je suis pas là. Voilà. On va pas faire ta jalouse, Frédéric. Ah ouais, je vais faire mon jaloux, ouais. Et bon, allez. Sinon, non, franchement, sur les emplois à domicile, je voulais te dire bien. Et je voulais te dire qu'on m'avait dit que. Ah, ça jouit là. Je te kiffe. Ah. Attends, je veux pas déranger pendant que ça jouit quand même. Non, mais attends. Attends, laisse-la terminer. Tu arrêtes, s'il te plaît, Pilgar. Il se fait rien là. Mets-moi une pierre dans le cul. C'est une frigide en plus, c'est ça terminé pour une fois qu'il y a rien. Eh, Gérard. La cristalline. Gérard. C'est pété la ceinture, là, ça fait des bulles, ça met toi. Ah, Gérard, je te kiffe. Gérard, dis-lui quelque chose, elle n'en peut plus. Attendez, il arrive, il change de place parce qu'il il a besoin d'air. Il suffoque. Vas-y, change de position, mets la croupe en l'air. Qui sont ses parents, Gérard? Je te kiffe, Gérard. Ah, ça t'excite, hein. Ça t'excite déjà un peu. Alors, donc, Bobo Nichon, ta conclusion. Et donc, je voulais dire sur les emplois domicile. GG, je peux pas là, je peux pas. Ouais, mais vas-y, on se dépêche là. Faut que t'arrêtes de faire venir des bennes à ordures chez toi pour faire une décharge à domicile parce que ça va créer des problèmes avec les voisins. Donc, mollo. Ok, au revoir. Bonne nuit à toi. Tony. Non, c'est Kenneda. Non. C'était un bon débat. Non, Tony, tu prends. Je t'ai dit, c'était Tony, c'est tout. Ouais, mais c'était un bon débat quand même. Bon, d'accord, au revoir. Non, c'était un bon débat. Oui, au revoir. Non, voilà, je vais dire une chose. Je t'avais dit un débat, pas deux. Non, mais j'ai fait la conclusion seulement. Dame Tom Seal, pour terminer. Parti, c'est. Je sais plus. Bah, terminé, bah, comme ce qui est là, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. C'est putain d'homme. Non. Il y a plus personne là. Ah si, il y a plus. C'est Seb pour la nuit sans pub. Gérard, avant, sur le Minitel, on m'a redemandé parce qu'ils ont pas eu le temps de noter. Et sur Internet aussi, Rigo, vous m'avez fait un signe. Ils voulaient que tu redonnes en fait ce qui se passait à la loco ce soir. Les DJ ainsi que la sono, tout ça. La sono, tout ça. Ceux qui sont au bar. Aussi demandaient la sono, les DJ au bar, tout ça, au percu. Bar tabac, tout ça. Mais on est où, ma? Bah alors. Elle est là, voilà. Alors, donc ce soir à la loco, c'est Gigi Téléphone, Gigi Alcool, Gigi Jean Lefebvre et au percu Daniel Alain, Sylvain Hélène et en exclu au saxophone Joseph. Voilà. Et après ? Et après, bah, mardi prochain, ça sera. Non, on s'en fout, ça. Ça sera les conseils. C'est tout raide. Ça sera les conseils de Gérard et Sandy. D'accord, on s'en fout pas, tu fermes ta gueule, toi, gros con. Ça là, t'es grave. Alors, je répète ce qui va se produire durant ce week-end. Toi, tu vas te prendre des claques dans ta gueule. C'est pas lui, regarde, tu vois bien. Et ça, c'est les auditeurs, ça ferme. Et il est où le micro, là? C'est celui-là. Ah, ok. Alors, donc, je répète. Mais c'est pas moi, putain, arrête, lui. C'est pas lui, putain. T'arrêtes de m'éteindre le micro, d'accord? Alors, je répète, demain soir au César Palace, c'est-à-dire ce soir à Saint-Avold, vous allez retrouver Max. Bon, allez hop, allez vous faire foutre. Mais non, on va pas se faire foutre. Gérard. Reviens là. Reviens là, c'est ta place, de toute façon, ça se sent que c'est ta place. Après, t'es né pour ça, mais t'es né pour ça. Il a rien fait, toi, c'est pas lui qui faisait les trucs. T'es né pour bouffer du micro. Ouais, vous me laissez les micros et pas là. Parce que sinon ça va chier. Allez, mets-toi là devant. Tu vois ton pote Rigaud là, hein? C'est qui ton pote? C'est moi, c'est lui. Hein? Je suis ton pote ou pas? Ton pote, putain. Donc ce soir, je répète. Je suis ton pote de fun ou pas? Non, bah, t'es plus mon pote, c'est tout. Je le sais maintenant. Donc ce soir. Non. Ce soir, donc. Fais gaffe, toi. Allez. Donc ce soir au César Palace avec Jean-Marie K et Max, votre star system. Donc ils vous attendent tous près de le Saint-Avold. Et putain, vous me faites chier, hein. Mais non. Oh, ta gueule, toi. Donc ce soir à Saint-Avold, près de Metz, Nancy, Thionville. Eh, vous arrêtez vos conneries, la bande de câbles, là. Bien fait, regarde, vas-y, fais ton truc. Voilà. Donc ce soir à Saint-Avold avec Jean-Max, le Star System et Jean-Marie Cam. Donc c'est près de Nancy, Metz et Thionville, donc venez nombreux. Samedi soir à l'Écho du Lac pour l'anniversaire de Rigaud. Salut. Apolline, tu me vires tout le monde au standard. Parce que là, ça, on vient de le voir que c'est toi. Merci. Et toi, continue, je vais t'en remettre encore une. Oh, oh. Je sais pas comment ça marche. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là là là. Tu vas m'arrêter ça parce que tu as morflé, toi, ce soir. Bah, tu as commencé un bon débat, tu vas pas me foutre ta merde pour ce que j'ai à dire. Allez, fini. Donc, pour terminer... Oh, arrêtez, putain. Toi, je t'ai promené, je te louperai plus maintenant. Donc, à la loco, donc il y aura Gigi Téléphone, je l'ai annoncé. Donc, samedi soir, à l'Écho du Lac, pour l'anniversaire de Rigo, toute l'équipe du Star System sera là, à Torigny-sur-Ville. Toi, il est temps que tu barre-toi dans ta ville de merde, là. Va voir tes putains de nordistes. Ouais. Ouais. Retourne dans ta ville et reste-y. Ouais, ouais, okay. Eh, mardi, je te veux pas, hein. Tu peux rester jusqu'à mercredi. Et encore, même pas, tu peux rester toute la semaine. De toute manière, on n'en a plus rien à foutre de toi. Ouais. Donc, ce soir, à la loco, il y aura Gigi Téléphone, Gigi Alcool, Gigi Jean Lefebvre, et au percu Daniel Alain, Sylvain Hélène. Mirouf. Et en exclu, Saxo Joseph. Et donc, samedi soir, pour l'anniversaire de Rigo. Dégage de là, toi. Dégage. Je veux rester avec toi, Jean. Dégage. Tu restes pas avec moi, je suis pas ton copain, d'accord? Alors, tu dégages. Mais putain, ça s'est bien passé. Hop. Le premier débat. Dégage de là. Allez, on finit, on dit au revoir, là. Dis au revoir. Bon, bah, sur ce, on vous retrouve. Comme ça. Au revoir. Bonne nuit à tous et on vous retrouve samedi à l'Écho du Lac. Vous allez retrouver Seb pour la nuit sans plus Borgma. Oh, Gérard. Gérard. Oh, t'annonces pas le disque, rien là. Ouais, j'en sais rien moi. T'as qu'à l'annoncer. Et c'est là le disque, ils Gérard. Ils sont même pas capables de me donner les feuilles. Bah si, tu la demandes pas. La fête d'auditeurs ce soir. Je voulais vous le dire quand même. Combien 21 millions. Comme ça, putain! D'accord? Ou quoi, 21 millions, vous tapez dessus! Ah, c'est cool! Là. Donc, on s'écoute à SPR avec Adopte-moi, je fais mes besoins tout seul. Au revoir et à dimanche soir! Et samedi à l'Écho du Lac! Un pasito pa'lante, Maria! Un pasito pa'tras. Alors n'ayez crainte, c'est pas du tout ce que je viens de vous annoncer, mais c'est Ricky Martin avec une dose stress. Un pasito pa'tras.